sait-on exactement des habitudes sociales de la girafe ou des zones de migration en eau profonde des tortues luttes? Eh bien justement, pas grand-chose. Alors que la biodiversité est en danger, que le nombre d'espèces et le nombre d'individus par espèce sont en chute libre, il y a urgence à comprendre les déplacements, les zones de nourriture et de reproduction des animaux de façon à les préserver au mieux et à minimiser l'impact de l'activité humaine. C'est là qu'interviennent le biologging, la biotélémétrie, la surveillance GPS ou les balises Argos, bref, tous les moyens technologiques de pointe pour suivre au plus près la faune sauvage. Sur la piste high-tech des animaux sauvages, c'est le programme qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour comprendre comment suivre à la trace les tortues, les baleines, les blaireaux, les ours polaires, les caribous, les chiens de perrée, voire les abeilles et les bourdons, eh bien nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Élodie Buard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieure des travaux géographiques et cartographiques de l'État à l'IGN. Bonjour Alexandre Tisserand. Bonjour. Vous êtes directeur des projets stratégiques à CLS pour collecte localisation satellite. Vous vous occupez notamment du programme Argos for Next Generation. Nous en parlerons tout à l'heure. Vous pouvez nous suivre non pas par GPS ou par balise Argos, mais sur les ondes et sur le fil Twitter de l'émission @lamethodefc comme chaque jour. Alors, pour commencer, diriez-vous peut-être simplement l'un et l'autre qu'il y a aujourd'hui, disons, une urgence, un impératif à mieux cartographier, à mieux répertorier les habitudes et les habitats de la faune sauvage, Élodie Buard? Moi, je dis qu'il y a urgence à cartographier. Par contre, je pense qu'il ne faut pas diffuser ces résultats à n'importe qui. C'est ça, la connaissance, c'est très bien. Mmh. Ça permet de comprendre les animaux. Par contre, c'est à double tranchant. Donc la connaissance des populations, enfin pour les populations locales ou pour les populations mondiales, c'est très bien pour les sauvegarder. En revanche, la connaissance aussi, ça sert à des moyens pas très positif comme le braconnage. Donc attention, il faut surveiller qui est diffusée cette information. Mais en termes en tout cas de préservation de la biodiversité, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'on a atteint un point de rupture où il est impératif aujourd'hui de mieux connaître ses déplacements, de mieux connaître, ce que je disais, les zones de reproduction, les zones de nourriture, les zones de ponte, précisément pour anticiper, pour préserver, pour avoir une action entre guillemets prophylactique? Ah oui, moi je pense qu'il faut préserver les zones de ponte, les zones de reproduction, particulièrement les déplacements aussi. On assiste aujourd'hui à des fragmentations des déplacements, donc les animaux ne peuvent pas se déplacer et donc n'ont pas un domaine vital suffisant. C'est sûr que l'homme empiète de plus en plus sur le territoire des animaux et donc je ne sais pas comment ça pourra se faire en pratique. Alexandre Tisserand, votre opinion sur cette question? Non, tout à fait. On pourrait se poser la question à quoi ça sert de suivre des animaux finalement, au-delà du plaisir scientifique de connaître les habitudes au quotidien de ces espèces. En réalité, comme vous le soulignez, avec l'impact croissant du changement climatique, l'augmentation de la population humaine et donc de son impact sur notre planète et sur l'environnement de toutes les espèces, il est tout à fait urgent de connaître de mieux en mieux les habitudes et les déplacements, les habitudes alimentaires de ces espèces. D'une part pour les préserver dans un souci de maintien de la biodiversité, et d'autre part parce que ça a aussi un impact sur l'espèce humaine elle-même, puisque effectivement, quand on commence à s'intéresser à des populations de poissons, on commence à pouvoir prédire où est-ce que vont les bancs de poissons, qu'on est capable de localiser un peu à l'avance où est-ce qu'on a le maximum de ressources halieutiques. Évidemment, c'est bien pouvoir les protéger, mais c'est comme on le disait à l'instant, si l'information tombe dans de mauvaises mains, c'est aussi une mine d'or énorme pour de potentiels braconneurs. Et on va voir que cette question que vous soulevez, Élodie Buard, de savoir où va et pour qui, à qui cette information est rendue disponible, est une vraie question, puisque beaucoup de ces informations sont précisément disponibles pour le grand public, ont soumis à la disposition en tout cas d'une large partie de la population pour des besoins d'analyse. On en parlera tout à l'heure. Quelles sont les principales informations que l'on recherche aujourd'hui quand on part sur la trace de ces populations d'animaux? On parle bien d'animaux sauvages encore, Élodie Buard. Alors, je pense qu'on essaye de caractériser leur milieu, leur espace de vie. C'est-à-dire essayer de découper des activités en fonction de leur déplacement. Donc, ce qui est vraiment du déplacement et ce qui va être de l'arrêt pour essayer de, par exemple, de manger, de se reproduire ou de dormir. Ça, on essaye de le détecter pour essayer de sauvegarder ces zones-là précisément. Après, il y a peut-être d'autres. Moi, j'ai travaillé surtout sur les grands herbivores d'Afrique. Donc, c'était des animaux imposants et des animaux aussi très protégés. Donc c'était ça qui était important, de détecter les zones particulières où ils s'arrêtaient. Mais peut-être qu'il y a d'autres espèces, on ne cherche pas du tout les mêmes activités. Les mêmes informations, Alexandre Tisserand. D'une manière générale, ce qui est intéressant et ce qu'on est capable de récolter comme information, c'est vraiment la localisation et les habitudes que suivent ces animaux et notamment quel chemin ils ont à parcourir pour aller se nourrir, quel chemin ils parcourent pour leur migration, est-ce que ça évolue dans le temps ou pas. On se rend compte que oui, en réalité, hein, par exemple, il y a beaucoup d'exemples, mais si je prends par exemple des manchots royaux on a le centre d'études biologiques de Chizé dans les Deux-Sèvres avec des scientifiques de renom comme Charles-André Bost qui étudient les manchots royaux dans les îles Crozet et aujourd'hui les manchots royaux donc pour aller se nourrir ils se relaient pendant la période où ils couvent les œufs. Donc il y en a un qui va pêcher pendant que l'autre couve l'œuf, puis ensuite il se relaient comme ça. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'avec le temps, ils devaient faire courir des distances de plus en plus longues pour aller chercher leur nourriture, au point tel que celui qui restait, à un moment donné, ne pouvait plus attendre, était obligé d'aller lui aussi chercher la nourriture, sinon il mourrait. Ce qui laisse du coup l'œuf en solitude et avec un risque évidemment de mortalité beaucoup plus élevé. Donc voilà, donc c'est ces informations-là qu'on récupère. Alors on peut aussi récupérer d'autres informations sur l'environnement qui sont très intéressantes, alors pour l'étude de l'espèce, mais aussi en général sur l'étude du milieu. Je prends par exemple des éléphants de mer qui plongent jusqu'à 400 ou 800 mètres de profondeur, donc c'est absolument gigantesque. On n'a pas toujours l'occasion d'aller plonger à 800 mètres de profondeur et d'aller placer des capteurs là-bas. L'éléphant de mer nous aide à récupérer des informations sur température, salinité, concentration, divers éléments qui permettent de mieux comprendre le fond des océans. On va voir qu'il y a effectivement différentes techniques, et dont certaines techniques, comme vous le dites, qui permettent de se servir presque de ces animaux sauvages comme des mini-laboratoires, comme des capteurs vivants. Je parlais dans l'introduction, peut-être que c'est bien de définir un peu les termes pour commencer, de deux grandes familles de techniques. On parle de biotélémétrie et de biologging. La biotélémétrie, Alexandre Tisserand, vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Oui, tout à fait. Alors, on différencie les deux. En fait, la différence entre biologging et biotélémétrie, c'est simplement la manière dont et la fréquence à laquelle on accède à l'information. C'est-à-dire que le biologging, je prends l'exemple de l'éléphant de mer, il plonge à 800 mètres de profondeur. À 800 mètres de profondeur, on n'est pas capable d'accéder directement au capteur parce que les ondes passent mal ou passent même pas du tout. On capte pas le signal. Enfin, voilà, c'est trop profond, c'est trop. Donc, on enregistre les données sur la balise. Donc, c'est une balise qui a une capacité de mémoire de stockage. Et ensuite, quand soit l'animal remonte, soit au bout d'un certain temps donné où la tâche s'autodégrade de manière prévue et remonte à la surface, alors là, les données émettent et sont récupérées. Et donc, on peut ensuite les analyser. À la différence de la biotélémétrie, où là, on a vraiment l'information quasiment en temps réel, où on a une balise sur l'animal soit volant, soit terrestre, et via les satellites ou via d'autres moyens de communication, on obtient les informations au fil de l'eau. C'est-à-dire que d'une part, la biotélémétrie, c'est plutôt une analyse de positionnement stricte, tandis que le biologging, on essaye en général de récupérer d'autres types d'informations, comme vous venez de le dire à l'instant, où on peut faire aussi dans les deux cas. Oui, en réalité, on peut obtenir le même type d'informations dans les deux cas. C'est vraiment une question de quel moment et comment on peut les récupérer. Après, il y a d'autres paramètres qui entrent en compte, mais on en parlera peut-être après, sur la capacité, l'autonomie, le poids, etc., qui font que tout ça... On va évoquer les contraintes dans un instant. Juste une question pour bien séparer les deux. Dans le cas du biologging, il est nécessaire de recapturer l'animal ou de récupérer la balise pour pouvoir avoir accès aux informations, ou c'est plus tout à fait le cas? Alors aujourd'hui, typiquement dans le système Argos qui est opéré par CLS, et développé initialement par le CNES depuis plus de 30 ans, on n'a pas besoin d'aller récupérer la balise pour avoir les informations. C'est tout l'intérêt de ce genre de système qui est que, même dans le cadre du biologging, la balise, soit elle arrive à la surface parce que l'animal remonte pour prendre de l'air ou quoi que ce soit, ou soit simplement la tâche de la balise sur l'animal s'autodégrade au bout d'un certain temps, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et quand elle remonte à la surface, en testant l'humidité autour de soi, le capteur sait qu'il est à l'air, et donc là, il peut émettre, et il émet sur les satellites et on récupère l'information. Après, après, c'est toujours intéressant de récupérer la balise, surtout quand il y a un peu de technologie dedans. Et ça, il y a des techniques avec des instruments comme un goniomètre qui nous permettent d'aller vers la balise, la récupérer pour pouvoir la réutiliser ensuite, ou même d'avoir accès aux données de manière physique. Ou dans certains cas, il y a même des primes, j'ai lu, pour les pêcheurs qui les récupèrent dans certains de leurs filets, qui peuvent les renvoyer, qui gagnent un peu d'argent par la même occasion, tant mieux pour eux. Peut-être un mot à Élodie Buard sur la question qui se pose assez immédiatement de la gêne ou du niveau d'intrusion que ces équipements peuvent avoir sur les différents types d'espèces et d'animaux sauvages. Ça n'est pas neutre, c'est forcément du poids, ça peut être encombrant. Est-ce qu'il y a des normes? Oui, on estime que un collier GPS ou un autre équipement GPS ne doit pas dépasser 1% du poids de l'animal. Donc forcément, sur un éléphant, il y en a de la marge. Ça fait 40 kilos, mais en fait, on fait des colliers de 10 kilos sur un éléphant. Mais on peut aussi poser des capteurs GPS ou Argos ou autres sur des papillons, par exemple. Et dans ce cas-là, c'est très petit. Donc, la marge, alors 1%, je crois que c'est pour les espèces volantes. Ça peut être un peu plus élevé pour les mammifères ou pour les mammifères marins. On peut aller jusqu'à 3%, mais dans tous les cas, c'est vraiment faible comme taux, parce qu'il faut évidemment pas gêner l'animal tout court, parce que il se déplace, il bouge. Une question d'encombrement, puis une question de poids, qui simplement, du coup, ça l'alourdit. Et donc, ça l'handicape dans ses mouvements. Mais typiquement, on met des balises sur des coucous qui font 200 grammes, la balise fait 2 grammes, la taille d'un ongle de pouce. Et à part ça, les colliers sont de la couleur de la peau de l'animal, donc ça ne doit pas gêner normalement son interaction avec les autres, ou dans les parcs d'animaux, par exemple, ça ne doit pas gêner l'attraction touristique du parc parce que tel ou tel animal a un collier. Normalement. Et puis ça ne doit pas le faire repérer par des prédateurs, etc. Quand on lit toute la littérature à ce sujet, il est écrit qu'aucun animal n'a jamais été question d'un seul animal qui aurait été victime de la pose d'un appareil de positionnement. Okay. Vous confirmez cette information? Oui. Alexandre Tisserand aussi, vous confirmez? Tout à fait, tous les animaux bagués ou équipés sont morts de cause naturelle et n'ont pas été handicapés par ces équipements-là. Oui, tout à fait. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Sur ce rugissement, nous parlons à 16h15 bientôt de la faune sauvage et de la façon de l'étudier, d'étudier ses déplacements, d'étudier ses habitudes alimentaires, ses habitudes de gestation, de ponte. Nous en parlons avec Élodie Buard et Alexandre Tisserand. On va passer aux exercices pratiques pour comprendre exactement comment et pourquoi ce suivi est important et comment il a progressé technologiquement. Antoine Beauchamp a enfilé sa tenue de plongée. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes allé barboter pour comprendre comment on suit les tortues marines à l'aide de balises GPS. Vous connaissez le cri de la tortue d'ailleurs. Je vous laisse le faire. Je ne connais pas non plus. Bon, j'ai rencontré Françoise Clarot, qui est la coordinatrice du groupe Tortues Marines France. Ce groupe s'est constitué il y a 10 ans et il est animé par le service patrimoine du Muséum d'Histoire Naturelle. L'objectif du groupe, c'est de suivre certaines populations de tortues marines dans les mers et dans les océans. Et c'est grâce aux célèbres balises Argos que ces tortues sont suivies. Françoise Clarot m'a expliqué comment on installe ces balises et comment, grâce à ces dernières, on cartographie les déplacements des tortues. Tout ça dans le but de mieux comprendre ces déplacements, mais aussi de mieux surveiller d'éventuels changements d'habitude chez ces tortues. Alors, il y a plusieurs dispositifs de suivi des tortues marines. Donc, comme vous le savez, les tortues marines exploitent deux types de milieux, en fait, l'habitat terrestre et des habitats marins. Donc, sur les plages de ponte, des équipes donc suivent en fait les femelles qui viennent pondre régulièrement. Chaque année, il y a des réseaux en fait d'observateurs qui interviennent sur le terrain. Et puis en mer, c'est déjà un peu plus compliqué puisque c'est des animaux dits cryptiques, donc on les voit assez rarement. Donc c'est vrai qu'on voit les reproducteurs, les mâles et les femelles s'accoupler à proximité des plages de ponte, mais en dehors de ça, une fois que les petites ont éclos, elles partent à l'aventure, on va dire, dans l'océan et on les revoit pas avant un certain nombre d'années. Donc heureusement, maintenant, on a quelques outils qui nous permettent de les suivre, et notamment donc, les fameuses balises Argos, les balises satellitaires. Les balises sont miniaturisées. Donc, ces derniers temps, on bénéficie de nouveaux modèles qui vont permettre d'étudier donc, des plus jeunes tortues, ce qui est vraiment intéressant. En fait, ces balises donc, sont des petites balises qui peuvent faire, 5 cm à 10 cm de côté. On les colle en fait avec une résine au point le plus haut de la carapace. Et il y a une petite antenne, en fait, qui permet donc de suivre par satellite les déplacements lorsque la tortue est à la surface de l'eau. Donc ça, c'est seulement quand la tortue daigne se montrer à peu près, en tout cas. C'est ça. Mais alors après, on a aussi des systèmes d'enregistrement et des capteurs qu'on pose, en fait, à l'intérieur de la balise et qui vont permettre aussi de suivre d'autres paramètres, notamment la profondeur. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis aussi la température de l'environnement, ce qui est d'autant plus intéressant que les tortues, comme vous le savez, ce sont des reptiles. Donc, en fait, leur activité, leur degré d'activité, leur métabolisme dépend de la température de la mer, de leur milieu environnant. Alors, le plus simple, évidemment, c'est de poser les balises sur des tortues adultes qui viennent pondre sur les plages. Donc, ça, par le fait, techniquement, c'est beaucoup plus simple puisqu'on peut entraver la tortue dans un cadre en bois et ensuite, on fait au plus vite pour poser la balise. Et puis, si on veut suivre des animaux qui sont sur des sites d'alimentation, alors là, dans ce cas, on est obligé de passer par une phase de capture. Donc, il y a des plongeurs qui sont très forts pour plonger sur les sites d'alimentation et capturer les petites tortues. On les ramène à bord d'un bateau. Et là encore, donc, on fait au plus vite. Donc, c'est quelques dizaines de minutes maintenant, surtout que la colle ou la résine sèche relativement vite. Grosso modo, on a ces deux cas de figure. Et dans quelle région du monde vous œuvrez ? Alors bon, nous, Groupe Tortue Marine France, par le fait, on travaille évidemment sur le territoire national. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France a une grosse responsabilité patrimoniale puisque 6 des 7 espèces de tortues marines sont présentes dans nos eaux et sur nos plages. Et ça se situe donc surtout en Outre-mer. En métropole, on voit des tortues, c'est vrai, mais il y a eu quelques tentatives, et d'ailleurs assez récentes, de ponte, mais sinon, elles sont surtout en mer. Donc en fait, en gros, 5 des 6 espèces de tortues qu'on a dans les eaux françaises fréquentent les eaux en intertropicale. Et la tortue lutte, qui est une exception et qui peut maintenir sa température à 7 degrés de différence par rapport à l'eau environnante, elle peut aller dans des zones beaucoup plus septentrionales, dans des eaux beaucoup plus froides. Voilà Manon, donc, qui était une ancienne stagiaire du CNRS qui travaillait avec l'équipe Guyane. Oui. On voulait justement regarder la carte que tu me montrais tout à l'heure. Alors, vous voyez ici, par exemple, on a une carte des déplacements des tortues luttes qui ont été donc équipées de balises en Guyane française. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs cas de figure en fait, mais elles vont vraiment très haut puisque bon, on les trouve jusqu'à, elles peuvent se déplacer jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon et donc suivre en fait le courant du Labrador. Elles peuvent aussi aller longer donc les États-Unis, les côtes de Floride. Donc, voilà. Après, d'autres espèces comme la tortue verte vont faire des déplacements peut-être un peu plus modestes dans ce secteur-là. Mais tout va dépendre en fait de ce qu'elle rencontre comme conditions. Quelle est la température de l'eau ? Est-ce qu'il y a suffisamment à manger ou pas ? Il y a peut-être des signaux chimiques qui font qu'elles vont être attirées par certaines zones. Donc en gros, c'est un petit peu comme toutes les espèces animales. Hein, ce qui détermine leur choix, c'est quand même les ressources alimentaires. Mmh. Du coup, est-ce que vous avez pu, au fil des années, constater des modifications dans les aires de répartition de ces tortues-là ? Et si oui, à quoi on peut les attribuer ? Ça fait des dizaines d'années que des travaux sont menés, mais les outils s'améliorent, donc les balises, effectivement, deviennent plus performantes. On observe des modifications. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas interpréter ces changements. C'est-à-dire qu'on parle souvent de changement climatique. Ça dépend à quelle échelle on se place, en fait, à l'échelle temporelle. Et ensuite, il faut voir aussi que le cycle des tortues marines est pluriannuel. C'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué, puisque bon, pendant plusieurs années, les tortues vont rester dans l'océan. Elles vont aller se reproduire qu'au bout d'un certain nombre de dizaines d'années. Donc pendant tout ce temps-là, on ne sait pas trop ce qu'elles font. Et ensuite, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas tant de fidélité que ça au site de naissance, comme on l'avait dit par le passé ou on l'avait cru. C'était sans doute des résultats qu'on avait eus, mais sur des populations un petit peu particulières. Plus on en apprend sur les tortues, plus on voit qu'en fait, elles sont capables de s'adapter, elles sont capables de modifier, entre guillemets, leurs habitudes, ce qui est un peu faux, mais d'aller explorer des nouveaux horizons, d'aller en fait, se disperser et entre guillemets, coloniser des nouvelles plages, comme là, mon collègue Marc Girondeau, par exemple, est au Cameroun. Et bien, auparavant, il n'y avait pas de tortues marines, et actuellement, il y a une colonie qui s'installe, entre guillemets, sur les plages du Cameroun. Ça n'existait pas avant. Donc en fait, il y a des changements, c'est vrai, mais qu'on ne peut pas interpréter à la lumière d'un changement climatique. Ce serait vraiment trop anticiper de pouvoir... Une surinterprétation. Oui, une surinterprétation, oui, c'est ça. La moindre balise, tout de suite, ça fait 3000 euros. Si vous équipez avec des capteurs, et puis selon aussi la fréquence d'interrogation du satellite, vous avez des prix d'abonnement, etc. Donc bon, c'est quand même assez conséquent. Donc chaque tortue est reliée à ce satellite Argos, et il y a un forfait finalement qu'il oui, faut payer, ça. C'est comme pour le téléphone. Tout à fait, il faut payer un forfait, c'est légèrement plus cher, on va dire. Voilà, il n'y a que dans la méthode scientifique sur France Culture que vous pouvez apprendre que les tortues suivies par Balise Argos doivent payer un forfait téléphone. Merci Antoine Beauchamp pour toutes ces précisions. Une réaction peut-être à ce que vous venez d'entendre l'un et l'autre à ce reportage, Elodie Buard avec son tisserand. Bah, moi je trouve que souvent on prend pas toute la mesure du prix de la balise ou du collier. Ou... En fait c'est très cher. Peu de personnes ou peu d'associations ou d'équipes de recherche peuvent se permettre de suivre beaucoup d'animaux. Donc c'est aussi la limite, c'est que c'est souvent on pose quelques colliers, c'est pas forcément représentatif de déplacement d'une population. Je sais pas si... Peut-être sur ce point, puis ce qui a été dit également. Bon, la question du prix, il y a un peu deux choses. Il y a la question de la balise elle-même qui effectivement... En fait, il y a tout un réseau de constructeurs mondial de balises. Et en fait, elles sont très spécialisées pour chacun des usages. Une balise tortue, balise oiseau, c'est pas une balise ours polaire, etc. Et on n'en suit pas des quantités... on en suit quand même pas mal. Hein. On a suivi 200 000 animaux depuis le début du système. On en suit 8 000 chaque mois, donc il y en a, mais... 200 000 animaux au total depuis le début d'Argos, en 1978. Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Donc ça en fait, mais sur 40 ans, voilà. Un des projets, on en parlera tout à l'heure dans le cadre du nouveau programme Argos, c'est précisément d'avoir des prix de puces, de modules et donc de balises beaucoup plus faibles de manière à ce qu'on puisse déployer davantage l'utilisation. Peut-être un autre commentaire retenez bien votre commentaire avant ça, parce qu'il y a le prix de la balise en tant que telle, mais il y a aussi le prix du réseau, de l'équipement, des satellites. On va revenir sur Argos et on détaillera tout ça. Votre autre réaction, Alexandre Tisserand, est-ce que vous avez entendu Et donc, oui, non, l'autre point, c'était sur la conclusion de cette étude de tortues qui disait que, effectivement, les tortues, s'adaptent. Et après, le lien avec le changement climatique, il est pas toujours évident à faire. Et alors, ça, c'est un point important. C'est vrai que ce qu'on peut constater dans plusieurs études, c'est que les animaux savent s'adapter à un changement de conditions. Par contre, ce qu'on constate de plus en plus, c'est le cas sur des albatros, c'est le cas sur les manchots que j'évoquais tout à l'heure, c'est que les changements sont de plus en plus rapides, et donc que l'évolution est de plus en plus rapide à faire par rapport à l'évolution de l'espèce. Et donc là, c'est là où il y a un danger, c'est-à-dire que quand on constate après que les stocks d'espèces diminuent, c'est là qu'il y a urgence à agir. Mais bien évidemment, une espèce sait s'adapter aussi par rapport à certains changements. La question qui nous est posée ici, c'est la vitesse de ce changement à laquelle il faut s'adapter. Sur cette vitesse de changement, vous l'évoquiez tout à l'heure, Elodie Buard, sur le fractionnement aussi des trajets, des habitats, des zones de ponte, des zones de reproduction. Tout à fait, c'est en relation avec le développement des populations humaines. Et aussi, à cause de ce fractionnement, il y a ce qu'on appelle des conflits hommes-animaux. Des zones où l'animal avait l'habitude d'aller, et tout d'un coup, il y a des populations humaines qui se sont installées, et du coup, il y a des tensions. Soit parce que l'animal va dans des... Alors moi, je suis sur le terrestre, dans des cultures, semer la zizanie dans un village. Je rappelle que vous travaillez sur les grands herbivores africains. Oui, c'est sur les grands herbivores africains. Bon. Et donc, c'est ce qu'on appelle les tensions, les conflits hommes-animaux. Il y en a beaucoup, en fait. Ou alors les requins à La Réunion, qui mangent des hommes... sur certaines plages, on ne sait pas. Assez peu, qui mangent plus de tortues et de justement, c'est bien de savoir où ils vont. Ils y vont pour montrer que, en fait, c'est pas eux. Les hypothèses au départ montraient que, en fait, c'est pas de leur faute. Peut-être un mot revenir aussi maintenant sur les différentes techniques principales dont on parle. On parle de la technique GPS et des balises Argos. Commençons peut-être par le GPS, Alexandre Tisserand. Les balises GPS, a priori, elles n'effectuent pas de transmission satellite directe, c'est ça ? Alors, la même manière que vous l'avez sur votre téléphone, sans doute, le GPS, ça fonctionne par une localisation au niveau de la balise, ou de votre téléphone en l'occurrence. Donc c'est la balise qui sait, parce qu'elle regarde les signaux des satellites GPS, C'est la balise qui sait où elle est. Mais à un moment donné, ce qui nous intéresse, c'est de la récupérer, cette information. Et donc, soit on est capable de la retransmettre par voie satellitaire, par exemple, ou par des réseaux terrestres, hein, quand on est sur la Terre. Soit ce n'est pas le cas, auquel cas, là, pour le coup, je reviens à votre question de tout à l'heure, il faut aller récupérer la balise. À l'inverse, sur le système Argos, la localisation, elle est faite au niveau du satellite. C'est-à-dire que la balise émet des données sur la température, sur tout un tas de conditions. Et le satellite, lui, fait le calcul par effet Doppler de la position de la balise. Alors ça peut être un peu moins précis, mais du coup, on a l'information de manière directe à partir du satellite. Alors l'idéal, c'est d'avoir les deux. Ce qui nous permet du coup de vraiment corréler une position très fine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des usages spécifiques, c'est-à-dire des populations d'animaux particulières sur lesquelles on utilise plutôt du GPS parce qu'on cherche à avoir précisément ce type d'information de localisation extrêmement précise, quitte à devoir récupérer les balises, et d'autres sur lesquelles on privilégie les balises Argos? Est-ce qu'on utilise des balises mixtes? Comment est-ce que ça se passe, Elodie Buillard? Alors... Je suis pas spécialisée en balises Argos, mais je crois que les balises Argos s'utilisent pour les animaux qui sont en mer, tandis que les GPS plutôt sur les animaux terrestres. Je crois que c'est ça la différence. C'est l'une des différences avec Sentisran, c'est un peu plus, il y a un peu plus de nuance là-dedans. Alors juste sur la précision, le GPS, en réalité, on a l'impression que c'est très précis parce que sur notre téléphone, on est localisé au coin de rue, etc. En réalité, c'est pas si précis que ça, le GPS, quand on est en pleine mer ou dans des zones peu couvertes. Alors moi, j'ai eu 10 mètres pour le GPS et 100 mètres pour les balises. C'est l'ordre de grandeur. Mais on n'est pas de l'ordre du mètre, par exemple. Jusqu'à Galiléo. Jusqu'à Galiléo, tout à fait. Qui va changer la donne, on a longuement parlé ici, mais pour le moment, on est encore sur GPS. Et alors, le gros différenciateur entre est-ce qu'on prend du GPS ou de l'Argos ou les deux, sachant que l'Argos, c'est à la fois un moyen de localiser, mais aussi un moyen de communication, c'est que le GPS, en fait, ça consomme. Ça consomme de l'énergie, donc ça fait diminuer l'autonomie de la batterie. Et donc, ça a un impact soit sur la durée de vie de la balise, soit simplement sur la taille de sa batterie, donc son poids et son encombrement. Donc, c'est un compromis à faire selon l'usage qu'on fait entre la taille, l'autonomie de la batterie et puis la précision qu'on veut avoir. Pour une tortue marine, avoir une précision de 10 ou de 100 mètres sur quelques dizaines de mètres, sur des durées de plusieurs années, il n'y a pas beaucoup de grosses différences. Après, il peut y avoir d'autres usages plus locaux sur lesquels c'est plus intéressant d'avoir une position plus précise. Et du coup, une balise Argos, ça dure quelques années, c'est ça? Et bien, une balise Argos, ça dure pas le temps qu'on veut, mais presque. On a dans le monde d'Argos une icône célèbre qui s'appelle Max la Cigogne. Je vous laisserai voir aller sur Internet. On va vous mettre les liens sur le fil Twitter. Qui a été étudié par un organisme allemand. Et la balise a été posée en 1999 jusqu'à la mort de la Cigogne en 2012. Donc plus de 10 ans. Après, souvent, typiquement sur un animal marin ou même sur un oiseau, plus sur l'animal marin, on s'arrange pour que la balise en fait se détache d'elle-même de l'animal pour qu'on puisse récupérer les données, parce que évidemment c'est bien d'étudier une tortue ou un éléphant de mer sur 10 ans, mais si on n'a pas de données avant 10 ans, c'est un peu long. Ce que vous disiez, mais par ailleurs des tortues luttes, on l'entendait aussi dans le reportage, parfois on arrive à les avoir au moment de la ponte et puis on pose une balise et ensuite la tortue disparaît complètement. Exactement. Des radars pendant plusieurs années, pendant plusieurs dizaines d'années, on finit par retrouver leurs traces. Un mot peut-être pour parce que là, on voit bien que là-dedans il y a un équilibre entre la quantité de capteurs que l'on peut mettre, l'importance de la batterie pour que cette balise fonctionne, les différents types donc de balises en fonction des systèmes satellites qui peuvent capter les signaux et les retransmettre. Pour Argos, il y a tout un système, il y a 6 satellites je crois, Alexandre Tisserand, et un certain nombre de centres qui recueillent les données, dont 2 centres mondiaux, aux États-Unis, à Toulouse, en France. Alors tout à fait. En fait, Argos, initialement, c'est né d'une coopération intergouvernementale entre la France et les États-Unis, entre le CNES et la NASA et la NOAA, qui est l'agence d'océanographie américaine, dans le but justement de faire de ces études scientifiques. Et donc, le partenariat consistait en ce que... une des parties, donc la France, le CNES, apporte l'instrument Argos, donc la charge utile, la partie satellite, que les Américains les lancent en l'air, donc prennent en charge le coût du lancement et l'opération du satellite, et ensuite que CLS, ça c'est toujours le cas, opère le système. Donc, c'est-à-dire récupère les données via un réseau de 60 stations sols aujourd'hui réparties à travers le monde. Les données sont ensuite rapatriées dans un data center à Toulouse qui est dupliqué aujourd'hui aux États-Unis. Et ensuite, les données sont traitées, soit on les livre de manière totalement brute aux scientifiques qui veulent en faire l'usage qu'ils souhaitent, soit on peut ensuite apporter de la valeur dessus en les plaçant sur des fonds de cartes avec tout un tas de paramètres océanographiques, que ce soit des températures, des salinités, des couleurs de l'eau qui renseignent sur la concentration en plancton et donc sur les probables déplacements de populations marines. On a plein de possibilités. On peut avoir des biocapteurs sur les animaux eux-mêmes. On peut aussi avoir des capteurs de type rythme cardiaque, température corporelle, profondeur de la plongée, etc. Oui. Oui, tout à fait. Là, vraiment, ce que vous disiez tout à l'heure est juste, c'est-à-dire qu'on est à la fin limité par le volume, poids de la balise et ce que consomment tous ces capteurs en énergie et donc l'autonomie qui va aller avec. Alors typiquement, sur une balise oiseau, on a, sur des balises terrestres en général, on a des panneaux solaires, des petits panneaux solaires qui permettent de les recharger, d'où les 10 ans et quelques de la balise sur la cigogne dont je parlais tout à l'heure. Voilà, dont on vient de vous mettre le lien sur notre fil Twitter @laméthodefc. Se pose donc aussi la question que vous évoquiez tout à l'heure au début de l'émission, Élodie Buard, celle de la mise à disposition de ces données, parce que mine de rien, et on en a beaucoup parlé ici, l'ensemble des données connectées par Balise Argos, notamment, ça fait un ensemble de données considérables, qu'il faut traiter, qu'il faut analyser, qu'il faut éplucher. Aujourd'hui, qui peut avoir accès à ces déplacements? Il y a plein de sites qui permettent, par exemple, de suivre en temps direct, on vient de vous mettre là aussi un lien, le déplacement des tortues luttes, d'un certain nombre, là, je l'ai pas encore évoqué, mais il y a un très très beau livre qui vient de sortir et qui a compilé ces données pour un certain nombre d'espèces qui s'appelle l'Atlas de la vie sauvage, de James Cheshire et Oliver Huberti, qui a été traduit, qui est publié aux éditions Les Arènes, qui a été l'une des sources d'inspiration pour cette émission et qui montre des cartes très très détaillées de déplacement autant de gibbons que d'oiseaux, même que de populations d'insectes. Comment traiter ces données? Qui y a accès aujourd'hui, Alexandre Tisserand? Alors aujourd'hui, les données qui sont récupérées via le système Argos et traitées par CLS, c'est vraiment à disposition de l'utilisateur du système. Donc c'est pas propriété de CLS, par exemple. Donc après, c'est à l'utilisateur de choisir ce qu'il souhaite faire de ces données. Est-ce qu'il les met en libre accès? Est-ce qu'il les met dans une banque de données en ligne européenne, mondiale? On en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'il demande à CLS ou à d'autres de faire un traitement dessus et de contribuer à l'analyse des données, à l'IGN peut-être typiquement? Vous allez nous en dire un mot tout à l'heure. Typiquement à CLS, pour donner un exemple, on a développé des algorithmes permettant de prédire l'évolution et de volume de population et de localisation de population de bancs de poissons en recoupant des informations sur le suivi des animaux et des informations issues de l'océanographie satellitaire qu'est la concentration en phytoplancton de ce dont se nourrissent les poissons grâce à la couleur de l'eau, parce que la couleur de l'eau témoigne de la concentration en plancton. Et donc avec un peu d'algorithmie, un peu d'expérience sur le sujet, on arrive à prédire ce genre de choses. Mais après, il y a plein d'autres applications que... scientifiques font. Élodie Buard, à l'IGN, quel type justement, que faites-vous? Comment est-ce que vous traitez ces données? Qu'est-ce que vous essayez d'en extraire? Moi, j'ai essayé d'extraire des déplacements, donc des grands herbivores africains, encore une fois. Donc lesquels? On parle de girafes, surtout des éléphants. Des éléphants, des buffles et des zèbres. En fait, on a la croyance que les éléphants, ils abîment beaucoup la végétation. Alors, moi, mon travail a été de corréler les déplacements des éléphants, buffles et zèbres à la dégradation de la végétation, pour voir si c'était vraiment effectif ou c'était une croyance populaire, on va dire. Donc, j'ai fait vraiment des statistiques, de la corrélation, j'ai analysé des images satellites de végétation. Et en fait, le résultat, c'est que pas du tout. Pas du tout. En fait, la végétation a le temps de se renouveler. Donc, il y a un cycle... cycle entre les végétaux, le passage des animaux, la dégradation, qui fait que c'est stable. Donc il n'y a pas de problème au niveau interne, naturel. Quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, l'État français, donc IGN, achète ces données auprès d'un certain nombre de prestataires qui s'occupent précisément de poser les balises, de les recueillir, etc. Quelle est l'économie de ces données et comment peut-on y avoir accès? Alors là, c'était pas l'IGN spécifiquement, c'était le CNRS, une équipe d'écologues à Lyon, LBBE, qui collecte des données donc sur le parc national où je travaillais, le parc de Wangé au Zimbabwe. Et je ne sais pas comment ils mettent leurs données accessibles. Je crois qu'ils gardent toutes leurs données, ou alors les données sont publiées dans les thèses, dans les documents scientifiques. Par contre, il existe d'autres initiatives, par exemple MoveBank. On va en parler dans quelques instants au niveau mondial, mais il existe par exemple dans d'autres parcs naturels, je pense aux écrins. Il existe des applications, même mobiles, où on peut voir les déplacements en direct des bouquetins, par exemple. Donc, en fait, c'est comme si chaque parc avait sa politique de publication des déplacements. Et on a, c'était une autre des informations qui est à l'origine de cette émission, c'est on a découvert très récemment, grâce à des données de géolocalisation, sur une population qu'on pensait plutôt bien connaître et qu'on connaît finalement relativement mal, en étudiant le déplacement des girafes africaines, on s'est rendu compte, via leur déplacement, qu'il n'y avait pas une, mais quatre espèces de girafes en 2017. Ça veut dire que, encore une fois, on voit bien que ces données... À partir de données strictement de géolocalisation, on arrive à extrapoler des données scientifiques qui nous permettent finalement de mieux connaître, de mieux recenser aussi, Alexandre Tisserand, cette faune sauvage. Oui, tout à fait. L'étude des animaux et des populations animales de différentes espèces, d'une part, les technologies ne sont pas si anciennes, enfin, elles sont anciennes, mais bon, voilà, que quelques dizaines d'années, ce n'est pas non plus incroyable. Et il y a quand même des centaines, des milliers, des millions d'espèces. On ne peut pas tout suivre. Et en particulier, on s'intéresse de manière assez naturelle, d'abord aux espèces qu'on sent, qu'on estime menacées. Donc, quand on parle de changement climatique, quand on parle des ours polaires, quand on parle de déforestation, on va regarder les éléphants. Après, les girafes dans la savane, si on n'a pas eu d'informations, je ne sais pas, sur du braconnage ou sur quoi que ce soit, bon, bah, peut-être que ça peut être dans les priorités de recherche scientifique. Et donc, on n'a pas d'informations sur les girafes parce que personne ne communique avec une girafe. Donc, et puis, ça coûte cher, hein, de les suivre. Et puis, ça peut coûter cher. Donc, finalement, ce n'est pas si surprenant qu'on ne découvre que maintenant, finalement, une diversification sur une espèce qu'on pensait finalement connue de tous, puisqu'on les a tous dans nos livres et les manuels depuis qu'on a 5 ans. M'avait pris et rejeté, me couvrant de gloire et d'amitié. Je n'ai jamais douté de moi. Je connais les forces qui sont en moi. Jusqu'au bout de ma vie, j'irai seul défier vos tabous. Comme un lion en hiver qui s'en va combattre les. Je suis cet homme heureux qui se croit puissant. L'hommage de la méthode scientifique à Johnny Hallyday qui est disparu. Vous ne pouvez pas le savoir à moins que vous reveniez d'un voyage au pôle Nord ou au pôle Sud et que vous veniez de débarquer en France comme un lion en hiver, puisque nous parlons des animaux sauvages tout au long de cette heure en compagnie d'Élodie Buard, qui est ingénieure des travaux géographiques et cartographiques de l'État à l'IGN, et Alexandre Tisserand, directeur des projets stratégiques à CLS, collecte, localisation et satellite. Et on va parler d'un projet sur lequel vous travaillez, le programme Argos for Next Generation maintenant, puisque pour nous intéresser aux progrès techniques en matière de suivi de la faune sauvage, comment est-ce qu'on peut améliorer encore? On a vu que tout ça est une question d'équilibre, de poids, de matériel embarqué, de batterie. Comment on peut faire aujourd'hui? Quelles sont les pistes de recherche, Alexandre Tisserand, pour rendre ces balises plus légères, plus durables et encore moins invasives? Alors, il y a plusieurs volets dans le programme Argos for Next Generation. Il y a effectivement ce volet balise où On va essayer, enfin c'est même pas qu'on va essayer, c'est qu'on est en train de finaliser une nouvelle version de puce qui est beaucoup plus petite. Donc là, c'est vraiment, ça fait moins d'un gramme, ça fait 7 mm de côté. Donc c'est vraiment très petit, avec laquelle on peut communiquer aussi en voie descendante, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui sur les balises historiques, avec des niveaux de consommation qu'on espère meilleurs. Et puis qu'on va pouvoir aussi, ça c'est vraiment l'avenir, hybrider avec d'autres technologies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait par exemple que du satellite sur la tortue marine, peut-être qu'il y a d'autres espèces animales et puis pour d'autres besoins de suivi où c'est intéressant de l'avoir et la voie satellitaire et aussi de la voie terrestre parce que le GSM est disponible parce qu'il y a un réseau Sigfox ou LoRa qui est dans le coin. Et des ça, réseaux, ça pardon, vous dites Sigfox ou Ou LoRa, c'est les réseaux très très bas débit qui se développent actuellement et très faible consommation, qui permettent du coup d'avoir de la donnée peut-être de manière plus fréquente quand on est en accès de ces réseaux-là. Ces réseaux-là ne sont pas répandus partout, donc c'est là où c'est intéressant d'avoir les deux. Donc ça, c'est un premier volet. Évidemment, on parlait du coût tout à l'heure. Un des objectifs, c'est quand même de diviser très largement le coût de production de ces balises-là en compensant par le volume. Et après, il y a tout l'aspect satellitaire. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure du nombre de satellites. On a 6 satellites en l'air. Pour Argos, hein. Pour Argos, pardon. L'idée, c'est d'en avoir bien plus que ça afin d'améliorer le nombre de passages de satellites et donc le nombre de données qu'on peut transmettre, la fréquence à laquelle on obtient ces données, etc. Donc ça, c'est un projet sur lequel on travaille aujourd'hui et pour lequel on va lancer les travaux de construction satellite l'année prochaine ou la suivante. Donc avec des objectifs de mise en orbite, à quel horizon ? 2022, donc c'est prêt pour compléter la galaxie Argos actuellement existante ou ce serait pour en créer une nouvelle ? Alors ça vient en complément, mais en réalité 2022 c'est aussi l'échéance où on a des satellites qui vont arriver en fin de vie, donc tout ça se fait dans la continuité. Bien évidemment, la nouvelle constellation est compatible avec les utilisateurs existants qui pourront du coup profiter de ce nouveau système avec des performances largement accrues. Alors, on parlait des tarifs tout à l'heure, il y a le côté balise, puis il y a le côté forfait téléphonique, comme vous disiez, pour la capacité de communication. Là, aujourd'hui, sur ces usages scientifiques, c'est des tarifs qui sont définis entre institutions gouvernementales. Donc, il y a des tarifs définis entre les Américains, la France, les organismes météo qui hébergent des charges Argos dans l'espace. Ça, de la même manière, l'objectif, c'est de pouvoir, par le développement du système, donc vendre plus de terminaux en général pour permettre notamment à la communauté scientifique de profiter de prix réduits. Ça, c'est un des objectifs du système, voilà, de pouvoir faire financer davantage les activités scientifiques par d'autres usages. Je reviens sur la question du prix, moi. Élodie Buard. Oui, pardon. Le GPS, il y a aussi un prix incompressible dont on ne pense pas, c'est le fait d'endormir l'animal. En fait, pour poser le GPS, il faut capturer l'animal et l'endormir. Et ça nécessite une grosse équipe de techniciens, de vétérinaires, parce qu'il faut un certain nombre de personnes. Dans la savane, vous en imaginez endormir un éléphant, il faut regarder s'il n'y a pas d'autres animaux qui vont attaquer l'éléphant par terre. C'est ça. Et du coup, ça, c'est incompressible. J'imagine. Pour les grands herbivores africains, ouais. ça coûte moins d'argent pour les papillons monarques, oui, par exemple. Oui, complètement. Il faudrait pouvoir... on endort pour moins cher un papillon qu'un rhinocéros. Ce serait super si on pouvait poser une balise comme ça. Je sais pas, une espèce d'arc et sans endormir l'animal, ce serait super. Hein. C'est ma liste au Père Noël. Néanmoins, ça pose une question intéressante qui est effectivement celle de la fixation. La fixation, ça peut être des résines, comme on l'a entendu sur les tortues. Il y a des nouvelles générations aussi de harnais aujourd'hui qui sont plus légers, plus souples et moins handicapants pour les animaux, par exemple, qui peuvent grossir pour les oiseaux qui prennent de la masse graisseuse quand ils hibernent ou quand ils remontent au nord, ou pour les problèmes de croissance. Vous avez des informations sur ces différents types de méthodes de fixation, Alexandre Tisserand ? Oui, comme on le disait tout à l'heure, les balises sont très spécialisées. Donc, sur une tortue avec une carapace, je vais mettre une balise que je vais coller de la résine. Sur une tortue lutte dont on parlait tout à l'heure, la carapace n'est pas solide, donc on ne peut pas faire ça. Donc, on va lui mettre un harnais. On fait ça aussi sur les balises oiseaux, mais des espèces de petits sacs à dos, en fait, qu'on leur passe dessus, qui sont en téflon, donc matériau très neutre et qui peut aussi se dégrader dans le temps. Donc on a vraiment toute une collection de systèmes pour les ours polaires ou les rennes, on leur met des colliers. Donc Donc oui, après on peut faire évoluer les techniques de fixation. La vraie évolution qu'on cherche dans, en termes technologiques, là de ce qu'on a parlé, c'est vraiment la miniaturisation et de diminuer au plus possible la consommation des capteurs. La balise idéale, c'est une balise toute petite avec 50 capteurs et une autonomie de 15 ans. Le plus de données possibles dans un capteur aussi petit que possible, qui dure aussi longtemps que possible et qui coûte le moins possible. Exactement. C'est ça à peu près les enjeux, voilà, les enjeux de la recherche aujourd'hui. Un mot aussi, parce qu'on parlait des papillons monarques à l'instant, dont on sait qu'ils ont été beaucoup suivis. Et aujourd'hui, où on en est de la miniaturisation et de la possibilité de suivre précisément des insectes dont on voit qu'ils intéressent aujourd'hui de plus en plus, et notamment via les récentes études sur la disparition de 80% des insectes en Allemagne. Je vous renvoie vers l'émission que nous y avions consacrée il y a quelques jours. Comment est-ce qu'on peut suivre aujourd'hui les insectes? Est-ce qu'il faut des balises? Est-ce qu'on peut les suivre d'autres façons, par des drones, par satellite, pourquoi pas, sur des grosses migrations type monarque, Alexandre Tisserand? Il y a plusieurs idées. Aujourd'hui, alors, si je reprends l'exemple des balises Argos, nous, on descend jusqu'à 2 grammes. Donc, on fait le rapport de quelques pourcents par rapport à la masse de l'animal. Donc, on tombe pas sur des insectes, mais sur des petits oiseaux. Si on veut descendre plus bas que ça, il y a encore un effort de miniaturisation à faire. Alors, il existe des toutes petites puces, technologie RFID. Donc là, c'est différent. C'est une puce qui est passive, donc qui n'émet pas, mais... qui permettent de détecter des entrées et des sorties dans un champ. RFID, pour nos auditeurs, c'est les puces traditionnellement qui sont utilisées pour marquer les produits dans les supermarchés. Voilà, les hypermarchés, voilà. Et donc on sait faire des trucs tout petits qu'on sait mettre sur des abeilles. Donc il y a des gens qui ont fait des études là-dessus avec ce genre de système. On sait mettre ça sur le dos d'une abeille. Alors c'est pas évident de coller une puce sur une abeille, mais ça se fait. Alors là, bon, l'information est limitée, c'est-à-dire qu'on peut mesurer l'entrée et sortie de l'abeille dans une zone. Donc c'est déjà ça, mais on n'a pas d'infos. Donc il y a ça, il y a une miniaturisation. Après, il y a, comme vous le dites, la surveillance par voie optique ou radar avec des systèmes aériens, voire satellitaires. Vous parlez des drones, donc c'est effectivement des choses sur lesquelles nous, on regarde à travailler. Alors pour l'instant, plus sur le domaine maritime qu'un domaine qu'on connaît bien, donc les animaux remontent à la surface, on peut les localiser comme ça. Est-ce qu'on peut faire ça avec des colonies de papillons ou d'abeilles? Je ne sais pas, il faut regarder, c'est des choses qui s'étudient. Et de manière, alors pour le coup satellitaire, là, ça va dépendre un peu de la résolution. C'est-à-dire qu'un papillon, c'est quand même petit, donc une résolution de quelques centimètres. En tout cas, moi, je pense que... Élodie Buard, oui. Ouais, les comptages... d'insectes, donc là en l'occurrence, sont complémentaires au suivi d'un individu en particulier, au suivi par une balise ou par GPS. C'est complémentaire, tout à fait complémentaire. Un mot tout de même, j'y pensais tout à l'heure et ça m'est sorti de l'esprit, on l'a évoqué sur Galileo. Aujourd'hui, Galileo va permettre, grâce à Galileo, c'est donc ce réseau de géolocalisation, de géopositionnement européen qui est en train d'être déployé et qui devrait permettre, une fois qu'il sera déployé dans son ensemble, d'avoir une précision 10 à 100 fois supérieure que le système GPS. Aujourd'hui, Alexandre Tisserand, il y a des applications de Galileo pour le suivi de la faune sauvage qui sont envisagées. À votre connaissance? De la même manière qu'on utilise du GPS dans certaines balises, on va utiliser du Galileo parce que la précision est potentiellement meilleure et le coût aussi, peut-être que c'est moins cher. Et le coût aussi, oui. Alors il faut regarder. Mais effectivement. Un mot pour peut-être avant de conclure, un mot aussi. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Élodie Buard, sur cette initiative MoveBank de deux chercheurs, Martin Wikelski qui est allemand et Roman Case qui est américain, et qui cherchent eux à mettre en commun l'ensemble des données de localisation, précisément pour permettre à la communauté scientifique de traiter ces informations, d'avoir accès, aux différents aux différentes données récoltées par les balises et par les populations suivies. Vous pouvez nous en dire un mot de cette initiative? Oui, alors c'est une plateforme en open data, donc les données sont ouvertes. Et donc les données consistent en des traces, ça peut être Argos ou GPS, des traces d'animaux dans différents endroits du monde. Et on a le type d'animal, et donc on peut récupérer les données et après faire l'analyse qu'on veut. L'avantage, c'est que du coup, on peut faire ses propres analyses, même si on n'est pas sur place, au Pôle Nord, par exemple. C'est ce type d'initiative qui vous fait craindre l'utilisation de ces données par des personnes moins scrupuleuses? Est-ce que vous pensez que les braconneurs ou que les gens qui sont à la recherche d'espèces sauvages sont branchés sur ce type de base de données? Moi, je pense, ouais. En fait, depuis une dizaine d'années, les braconniers sont très, très bien équipés. Donc beaucoup mieux équipés que les petites équipes de recherche qui sont en tout cas en Afrique, par exemple, qui suivent les rhinocéros. Et du coup, c'est ce genre d'information qui peut être néfaste aux animaux. Vous partagez, Alexandre Tisserand, cette inquiétude-là de la mise à disposition trop d'open data sur les trajets des animaux sauvages, c'est les mettre en danger ? Je pense que l'inquiétude, elle est légitime dès lors qu'on arrive sur des données qui se rapprochent de plus en plus du temps réel. C'est-à-dire qu'avoir des données d'il y a 5 ans sur la position de telle espèce en danger, bon, ça va aider moyennement le braconneur. Même des données fraîches de quelques mois, je ne sais pas, peut-être que ça va l'aider, hein, mais je pense que c'est beaucoup moins critique que d'avoir effectivement sur son smartphone la position en temps réel, comme on disait dans les parcs nationaux tout à l'heure, de ces espèces-là. Là, évidemment, on aurait une difficulté. Est-ce que pour conclure, vous auriez quelques exemples concrets de données, d'utilisation de données qui ont été récupérées, qui ont permis précisément une action de conservation, une action de préservation, qui ont permis d'éviter de mettre en danger, de fragmenter un habitat, Alexandre Tisserand et Audrey Buard, sur des populations précises? Oui, tout à fait. Alors, on peut citer plusieurs exemples, mais il y en a un qui me vient à l'esprit, c'est celui de l'exemple des rennes en Russie, dans le nord-est de la Russie. Une région qui s'appelle la Yakoutie, qui est très très grande, hein. Ça fait un cinquième de la Russie, donc c'est 5 fois la France, 3 millions de kilomètres carrés. On a quand même 1 million d'habitants dans cette zone-là, qui vit quasiment essentiellement de la dépendance aux rennes. Donc il y a 200 000 rennes qui sont dans la zone. Et alors on a suivi, il y a eu du suivi de ces animaux-là, notamment parce que de plus en plus il y avait l'impact de l'industrialisation de la zone, notamment la création d'un pipeline qui a bouleversé pas mal l'économie, la géographie de la zone. Et donc on s'est rendu compte, les scientifiques qui ont étudié se sont rendus compte que ça faisait déplacer de manière assez forte les troupeaux, donc, ce qui avait un impact direct sur les populations qui sont très dépendantes de ces animaux-là. Et du coup, suite à ça, la Russie a décidé de créer une nouvelle réserve dans cette zone-là pour protéger les rennes et éviter qu'on vienne perturber leur habitat et donc les populations humaines qui étaient derrière. Et Elodie Buard, un exemple en tête sur ce que vous avez suivi ou sur d'autres types de populations ? Moi, je n'ai pas du tout le même type d'exemple. C'est qu'il y a quelques années, on a posé des colis GPS sur les lions. Et en fait, ça les a protégés parce que le fait de poser des colliers GPS sur les lions, ça a permis une meilleure connaissance des populations locales du lion. Et du coup, elles ne voulaient pas du tout tuer les lions. Les étrangers ne voulaient pas pratiquer la chasse aux lions parce qu'ils avaient leur collier GPS et on pouvait leur reprocher. Et du coup, finalement, ça a protégé le lion. Voilà deux exemples d'utilisation des données de localisation de la faune sauvage qui ont permis des actions de conservation. Il est déjà 16h53 et comme chaque mercredi, bien c'est l'heure de donner la parole à un jeune ou une jeune chercheuse, un jeune chercheur en l'occurrence, qui vient nous présenter ses travaux de recherche en 4 minutes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marcel Anguéard. Bonjour. Bonjour. Je prononce bien Anguéard? Très bien. Vous êtes en deuxième année affilié à Télécom Paritech et Cisco Systèmes dans le cadre de la chaire New Net Network for the Future. Bienvenue à la recherche. Moutre-en-Main, c'est à vous. Merci beaucoup et merci de m'accueillir. Donc effectivement, moi je travaille dans le cadre d'une collaboration entre Cisco Systèmes, spécialiste des équipements de réseaux de communication, et Télécom Paritech, école spécialisée aussi dans les réseaux de communication. Donc une thèse vraiment à la jonction entre recherche académique et R&D industrielle. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est un sujet un peu connexe avec ce que vous avez discuté aujourd'hui, c'est l'Internet des objets. Donc c'est comment on peut utiliser Internet pour comprendre, automatiser et optimiser des nombreux aspects de notre vie quotidienne. Donc ces objets, c'est exactement les capteurs que vous discutez, sont des micro-ordinateurs spécialisés avec une fonction unique et dont on va utiliser le fait qu'ils sont connectés à Internet pour les faire coopérer entre eux, pour créer une sorte de système autonome en utilisant des méthodes tirées d'intelligence artificielle. Donc un très bon exemple, nous on s'intéresse par exemple aux villes intelligentes, on va voir des feux rouges qui sont connectés, qui vont par exemple être capables de mesurer en temps réel le nombre de voitures qui sont bloquées derrière le feu, de communiquer avec les autres feux à la même intersection et de prendre des décisions en temps réel pour optimiser le trafic. Mais du coup, ces feux rouges-là, en plus de communiquer entre eux, ils vont aussi devoir communiquer par exemple avec les voitures autonomes qui vont être bientôt déployées pour leur donner les indications qui sont les indications de freinage nécessaires, mais aussi par exemple avec les forces de l'ordre. On peut imaginer un cas où les forces de l'ordre pourraient se dégager le passage en mettant des feux rouges aux bons endroits. Donc la problématique que ça pose, c'est qu'en fait, on projette qu'il va y avoir des millions, voire des milliards de capteurs dans une ville à l'échelle par exemple de Paris. Et ces capteurs, ils vont créer énormément de données qui sont utiles uniquement quand elles sont mises en relation les unes avec les autres. Aujourd'hui, pour faire ce genre de choses, on a une approche, comme l'a décrite Alexandre tout à l'heure, c'est qu'on amène tout dans un data center et qu'on fait le traitement là-bas. Et en fait, on va utiliser le réseau, donc Internet, comme une espèce de boîte noire dans laquelle on rentre des données d'un côté et elles ressortent de l'autre. Donc nous, on pense que c'est une plateforme qui pose beaucoup de problèmes. Donc déjà, cette boîte noire, elle a énormément de contraintes. Elle a des contraintes de bande passante, elle a des contraintes d'énergie, elle a des contraintes... C'est très cher de transmettre des données sur Internet. Mais en plus de ça, c'est pas le fait d'envoyer tout dans un data center qui va typiquement être situé à un endroit où la consommation énergétique est peu chère. Ça ne permet pas de satisfaire certaines contraintes de latence. Par exemple, nos feux rouges, il faut qu'ils soient capables de communiquer dans l'ordre de la milliseconde, alors que le temps de trajet vers un data center, c'est typiquement de l'ordre de la dizaine, voire centaine de millisecondes. Donc ce qu'on se demande, c'est est-ce qu'on peut déporter de l'intelligence, au lieu de la mettre dans le data center, est-ce qu'on peut la déporter directement dans le réseau et la mettre au plus proche des applications? Donc pour ça, on étudie un changement de paradigme sur la manière dont on construit nos protocoles de communication, qui est qu'au lieu de nommer des machines, on va nommer des objets. Donc aujourd'hui, en fait, on va nommer de la donnée directement. Donc aujourd'hui, on utilise le protocole qui s'appelle IP. Mmh. Et en fait, une IP, c'est comme un numéro de téléphone. C'est une adresse vers un point physique directement sur le réseau. Nous, ce qu'on propose, c'est de mettre des adresses directement vers des objets. Donc doter, en fait, les requêtes réseau d'une espèce de sémantique qui va décrire ce qu'elles contiennent. Et donc, en fait, ça permet de donner une sémantique à une opération qui est jusqu'ici simplement topologique. Et ça ouvre énormément de possibilités, par exemple, de faire des services différenciés où on va traiter les requêtes les plus urgentes directement au bord du réseau, au mieux de faire remonter au data center, un endroit où ça coûte peut-être plus cher de faire le traitement, mais où on a besoin de le faire à cet endroit-là, et on pourra toujours envoyer dans le data center ce qu'on peut faire dans le data center. Merci beaucoup pour cet exposé brillant, Marcel Anguère. Alexandre Tisserand, vous écoutez avec attention ce genre d'Internet des objets appliqués aux balises pour la faune sauvage. Ça peut avoir des ouvertures, un intérêt selon vous? Il faut regarder, je pense que ça dépend vraiment des usages. Enfin, ce que je comprends, c'est que là, on a un intérêt de pouvoir différencier des usages selon les temps de latence de traitement requis par rapport aux besoins qu'on cherche. C'est-à-dire, on pourra traiter rapidement une donnée. Je ne sais pas si ça s'applique vraiment dans le cas scientifique, parce qu'on a rarement besoin de temps très très court, à la différence de la signalisation, la voiture autonome, où là, des temps de réactivité très forts, nécessaires. Mais après, toute innovation technologique dans le domaine des réseaux... Ça est toujours bienvenu. À moins de mettre des feux rouges sur une autoroute qui traverse la jungle et pour me faire... Tout à fait, quand le lion arrive. Bah, quand le lion ou l'éléphant arrive, on bloque la circulation et le lion ou l'antilope ne se fait pas écraser. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois. Merci Alexandre Tisserand, Élodie Buard. Merci Marcel Anguéard. Je vous engage vivement à vous procurer cet atlas de la vie sauvage par James Cheshire et Oliver Huberti, donc traduit dans le français par les éditions Les Arènes, qui est un atlas de cartes passionnant qui raconte précisément toutes les applications que l'on peut avoir à la lecture de ces cartes et de ces données recueillies sur les trajets et les différentes habitudes de la faune sauvage. C'est un livre absolument passionnant et par ailleurs c'est un très beau cadeau de Noël, ça tombe bien. Merci à toute la chouette équipe de la méthode scientifique, Noémie Naguette-Saint-Vulfran, Céline Lausanne, Étienne, Hugo Bartholomé, Antoine Beauchamp, Elisabeth Miro à la réalisation, Jean-Frédéric à la technique, Elisabeth Gornet, Scotto au droit d'auteur. La suite de vos aventures sur France Culture dans quelques instants, et bien, ce sera l'avant-dernier épisode de la série documentaire de la semaine, Quand l'art se met au service du pouvoir. Après le journal de 18h à 18h20, dans Le Grain à Moudre, Hervé Gardette demandera à ses invités pas de cash, pas d'investigation, point d'interrogation. Et pour ce qui nous concerne, eh bien demain, nous retraçons l'histoire de la carrière de Louis Pasteur à l'occasion de l'ouverture prochaine de l'exposition qui lui sera consacrée au Palais de la Découverte. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.